Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est encore ce soir ensemble pour une émission en différé, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine. Émission qui cependant vous présente toujours du contenu inédit de première diffusion, avec notamment 7 nouveautés pour ce soir, au programme notamment Darkthrone, Devin Thompson, les Français de Iron Flesh ou encore les Ricains de Inclination, et on présentera le reste tout au long de l'émission de ce soir. Voilà, encore tout plein de bonnes choses à s'écouter, et toujours l'aspect française à peu près au milieu de l'émission. On attaque la diff musicale tout de suite avec deux groupes, dont une nouveauté, deux groupes d'ouverture qui affichent un peu plus de 70 ans d'existence à deux. Exhumed, Darkthrone, Exhumed, les vétérans de la scène Gordes Riken qui sortent de nouvel M4 Studio To The Dead, une sortie sur le label Relapse Records. A noter que voilà, c'est le 8e album pour plus de 30 ans de carrière, c'est toujours crado et dégoulinant pour Exhumed. Et en doublette, Darkthrone qui fête là ses 35 ans de carrière, le duo culte venu de Norvège qui sort là son 20e album studio. Musicalement, on est dans la lignée des derniers albums avec une espèce de blackney de heavy doom bien old school, hein. On est sur des ambiances doomesques presque bourzoumiennes par moment même. Voilà, toujours ce côté proto-metal bien old school. Le titre que l'on va s'écouter ce soir est un des plus longs de l'album, il dépasse les 7 minutes, c'est pas du tout représentatif donc du reste de l'album, et cependant ça montre bien l'aspect très doomisant et en même temps hyper rock qu'on peut retrouver sur ce nouvel effort studio de Darkthrone. L'album s'intitule Astral Fortress, il est déjà dispo chez Peaceville Records, hein, très prolifique les Norvégiens depuis quelques temps encore. Caravan of Broken Ghost, et juste avant ça Exhumed avec le titre Lurid, Choking and Vile, pour ouvrir l'émission de ce soir. Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Fight his words. doublette suivante que l'on va commencer par une nouveauté, le sieur Devin Thompson, le Canadien hyper prolifique qui sort un énième effort studio. Là, c'est sous son simple nom, voilà, en toute sobriété. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les premiers extraits qui ont été diffusés? C'est quelque chose de très soft, limite smooth. C'est pas impossible cependant que l'album contienne quelques morceaux beaucoup plus barrés et agressifs, hein, tout comme Devin Thompson sait le composer depuis de bien nombreuses années. C'est un peu l'ovni de l'émission de ce soir. L'album s'intitule Light War, qu'on s'écoutera le titre Moon People, et en doublette avec Devin Thompson, Wesenweil, le groupe qui nous sort son nouvel effort studio, voilà, la formation de black metal venue de Hollande qui existe depuis une petite dizaine d'années, nous sort là un album prog, limite avant-gardiste, hein, d'inspiration Death Spell ou d'éléments qu'on peut retrouver sur la scène islandaise. Voilà donc Wesenweil, le nouvel effort studio est déjà dispo. On s'écoutera l'extrait The Sepulchral Graze, extrait de l'album The Red Light Above, une sortie sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Et pour rappel, le titre de Devin Thompson qu'on va s'écouter juste avant est extrait de l'album qui sortira le 4 novembre, petite avant-première donc. Of revenge. continue tranquillement de dérouler l'émission avec une nouvelle doublette et une nouveauté dans cette doublette. Tout d'abord, une autre formation venue du Grand Nord américain, Get The Shot, le groupe de hardcore, metalcore, trashcore. Ça va piocher un peu dans les trois scènes, hein. Toujours est-il que c'est toujours hyper frontal et efficace, avec des petites inspirations à la Knock Loose sur ce nouvel effort studio de Get The Shot, intitulé Merciless Destruction. On va s'écouter un titre les plus vénères de l'album, Terminal Slaughter. Voilà, Get The Shot qui revient avec un nouvel album en très très grande forme. Et en doublette, nous aurons les Italiens de Anthropophagus, le très bon groupe de Death Brutal Death, qui sort là son quatrième effort studio en un peu plus de 5 ans, hein, depuis le dernier. A noter que c'est le premier album avec le vocaliste Paolo Citti, qui notamment est actuellement le vocaliste de Devangelic et ex-grognard dans Putriditi. C'est toujours aussi solide, massif, frontal et brutal. Voilà, les mecs dégoulinent d'expérience. Et on retrouve deux guests sur cet album. Pour le coup, c'est pas des guests au micro, mais des guests à la guitare. Ce qu'on a Matt Sotelo, un des deux fondateurs de Decrepit Birth, et Monsieur Dallas Tollerveid, l'ex-guitariste-chanteur de Nile, voilà, qui viennent gratouiller un peu sur ce nouvel effort studio de Anthropophagus. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'album, sobrement intitulé Origin pour Anthropophagus, et juste avant ça, donc Get The Shot, c'est parti. We'll be right back. descends to our miserable reality. Transcend into infinite becoming. On est autour de la demi-heure de l'émission de ce soir et on continue à dérouler avec toujours de la nouveauté. Tout d'abord une pas nouveauté, Givura, groupe qui nous vient du Québec. On est là sur du black metal d'inspiration qu'on peut justement retrouver hein, chez le black metal de Wesenville, hein, parce que ça va un peu taper dans la scène islandaise ou certains groupes français à la sauce Auzot. On est sur un chant presque black metal, ce qui est, death metal, pardon, ce qui rajoute une petite dose d'agressivité à l'ensemble de la musique de Gavura. Et en doublette avec la formation québécoise White Skull, groupe de heavy power italien, qui a vu le jour à la fin des années 80 et qui sort là tranquillement son 11e album studio, toujours emmené par une vocaliste au timbre vocal bien bien musclé et éraillé, hein, toujours un petit glavio dans le fond de la gorge. Alternance avec des envolées hyper mélodiques et ultra heavy, ce qui, allez, en termes de parallèle, n'est pas sans rappeler un certain Crystal Viper, même si pour le coup White Skull et sa chanteuse d'origine donc était là bien avant un Crystal Viper. Du heavy power assez classique qui sonne un peu teuton dans le style. Tous les clichés sont là, bien présents, hein, et ça reste cependant bien coolos. Et pour le titre qu'on va s'écouter aujourd'hui, justement, puisqu'on parle d'inspiration teutonne, on retrouve Monsieur Chris Boltendahl, qui n'est autre que le vocaliste de Grave Digger. Les présentations sont faites pour la doublette à venir. Présentation des morceaux donc maintenant, Gevura, on s'écoutera le titre Bloodsucked Katabasis, extrait de l'album Genimon, et White Skull, Scary Quiet, extrait de l'album Metal Never Rests, et c'est parti. À la violence avec la nouveauté de la doublette suivante, Inclination, le groupe de hardcore straight edge américain qui a égrené quelques EP ces dernières années et qui nous sort là enfin son premier album studio longue durée. On est sur du bon gros straight edge ultra vénère, hein, 11 titres pour 30 minutes, c'est radical, c'est frontal. Ça fait à mon sens bien la paire avec le dernier Earth Crisis. Voilà, Inclination, c'est parmi vraiment les références du genre ces dernières années. Voilà, et en doublette, un autre groupe américain, Cloud Rat, groupe de grindcore actif depuis une douzaine d'années. Ils sortent là leur quatrième album studio, bon, avec par-ci par-là des EP et des splits à tour de bras. 15 titres pour 30 minutes, c'est ultra vénère, c'est une femme qui tient le micro. Et Cloud Rat, c'est pareil, hein. Si vous ne connaissez pas, penchez-vous clairement sur la discographie de ce groupe. Inclination, on s'écoute le titre Bystander, extrait de premier album studio longue durée Unaltered Perspective. Et en doublette, Cloud Rat, on s'écoute le titre Earth Eatery, extrait de l'album Threshold. C'est parti. We'll be right back. C'est ma foi déjà l'heure d'attaquer l'aspect française hein, avec on est quoi sur une autour d'une demi-heure de diffusion de groupes qui viennent d'un peu partout dans l'Hexagone et on attaque avec une nouveauté les Bordelais de Iron Flesh, le groupe de death metal qui monte qui fait de plus en plus parler de lui et en bien. Limb After Limb, c'est le nom de ce nouvel effort studio qui voit le jour le 4 novembre chez Warantem Records. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Iron Flesh? Au-delà du fait qu'ils viennent de région bordelaise, ils existent depuis une petite demi-douzaine d'années. Ils sortent leur troisième effort studio, très prolifique. Hein. On est sur un Death Old School d'inspiration suédoise, hein, ça bave de HM2 bien comme il faut. Et on est sur une représentativité de la scène bordelaise dans sa plus haute qualité, puisqu'on retrouve au sein de Iron Flesh des ex Grittle Ones ou autres Otargos, Demented, Fall of Seraphs, etc. Donc voilà, Iron Flesh, allez vous pencher sur la formation hexagonale si vous ne la connaissez pas encore. Et ensuite, on attaquera avec les Lavallois de Birds in Row, le groupe de post-hardcore emo-core qui sort son troisième album studio, actif depuis une douzaine d'années. Voilà, on est toujours sur quelque chose d'ultra viscéral et sincère. Ce nouvel effort studio est déjà disponible pour Birds in Row. On s'écoutera le titre To Become One with the Dead de Iron Flesh et le titre Cathédrale ensuite extrait de l'album Gateline de Birds in Rows. C'est parti.